Ouais, V2, vrai, H en V, les boycottés. Allô, S, clic, Gringos. T'as les yeux grands ouverts quand je kick la prod. T'es pas taille pour tester, accroche-toi, prends une corde. Les rats des coups qui disent qu'ils vont plus à l'école. Je lance à force aux frères qui ont pris des grosses peines en tôle. Nous on garde le sourire avec souci en tonne. T'as la foudre de ton rap, tes souris, oui entre autres. Oui, l'instru, je la pète, je l'engrosse. Pas de projecteur braqué, y'a que des longues torches. Alors pourquoi tester l'argent fait? Faudra-t-il vraiment le répéter? Tu vas pas me repérer quand je vais t'allumer. Comment tu veux faire couler le chalutier? Je suis un vrai chat de quartier, je vois les chiens t'écarter. Rien à foutre au cartel, de ta life au carton. Quand t'as tes cartels, quand je suis comme dans le ballon. T'as le ballon, du pognon, donc ça sent le ballon. Rouler la frappe, guette l'impact. Pète d'appart, tu rabattes. Dérapage, sur la 4, mes rapaces. Tes barrages, rouler la frappe, guette l'impact. Pète d'appart, tu rabattes. Dérapage, sur la 4, mes rapaces. Tes barrages. Tu connais les tentations qui nous font opérer tard. Sors le Beretta pour les pesetas. T'es dans le Valetta quand t'es pris en chasse. Le Paco et l'étendard. Tu connais les tentations qui nous font opérer tard. Sors le Beretta pour les pesetas. T'es dans le Valetta quand t'es pris en chasse. On dilapide pour des billets. On t'entendra pas crier. En enfer, j'ai peur de griller. Donc le soir, je mets à prier. On dilapide pour des billets. On t'entendra pas crier. Non. En enfer, j'ai peur de griller. Donc le soir, je mets à prier. Les jeunes en bas ne font que dealer. Les Schmitt essaient de les interpeller. Pour inter, les poucas se mettent à pleurer. Comprends-tu quand je t'arrête, soit t'as peuré. De tout ça, frère, je suis dégoûté. Rap game pourri, je viens nettoyer. Pas de cocaïne, que de la résine. Grosse coquine en parisie. Pas de pâle copie, pas de victime. Que des vrais gars dans ma dream team. Rien de veut grave, pas de modestie. Elle me sous les draps toute la nuit. Je suis saoulé toute la journée. Je rêve rafale et quelques poulets. Tu trahis, tu finiras troué. Troué. Ouais, je suis doué. Fais pas le mec de la street si tu pisses 5 ans dans ton lit. Rouler la frappe, guette l'impact. Pète d'appart, tu rabattes. Dérapage, sur la 4, mes rapaces. Tes barrages, rouler la frappe, guette l'impact. Pète d'appart, tu rabattes. Dérapage, sur la 4, mes rapaces. Tes barrages, rouler la frappe. Get l'impact, pète d'appart. J'suis rabat. Rouler la frappe. Get l'impact. Pète d'appart. J'suis rabat. Le Paco et l'étendard. Tu connais les tentations qui nous font opérer tard. Sors le Beretta pour les pesetas. T'es dans le Valetta quand t'es pris en chasse. Le Paco et l'étendard. Tu connais les tentations qui nous font opérer tard. Sors le Beretta pour les pesetas. T'es dans le Valetta quand t'es pris en chasse. Les boycottés, c'est son. Agent V, c'est son. TEZ, c'est sombre. SAM, c'est son. Ma cache, c'est son.